Charline, j'ai noté tout à l'heure que vous avez dit que l'homme idéal était québécois et la femme dans tout ça. C'est pas moi qui le dis, c'est mon invité, Diane Ducré. Bah oui, mais... Et la femme idéale, elle serait quoi? Je sais pas, Alex Vizorek. Elle présenterait le journal de 17h. Oh, merci. Bon, bonne journée, bonne émission. Voilà. Ou elle est belge. Bon, bon, d'accord. Bon. Merci Laetitia Gaillet. On retrouvera les informations bien sûr à 18h. Avec et une autre femme idéale. Oui, bah oui. Oui, c'est vrai. Et puis l'homme idéal, Nicolas Demorand. Mais en attendant, de l'information, de l'information, de l'information. Salut les amis. Salut Charline. Bonjour Alex. Bonjour. Non mais il est triste. Oui bon ça va, c'est à cause de la COP21? Non, pas du tout. Non. Bah Alex ça va pas? Le monde s'écroule. Ah, bah, vous voyez c'est à la COP21. La quoi? Mais la COP21, enfin! Jamais entendu ça. Évidemment, l'écologie, ça te dépasse. Mais pas du tout. Je suis très écologique. Pour te dire à quel point, moi, je fais pipi sous ma douche. Ah, c'est dégueulasse. C'est vrai. Monde, c'est écologique. Non, mais c'est quoi ton souci, là? C'est l'invité. Diane Ducré. Elle vient pour un livre. Bah, quoi, tu l'aimes pas? Mais je l'adore! Et je me faisais une joie de la rencontrer. Bah, alors! Et en plus, je comptais en profiter pour régler les deux, trois derniers détails pratiques. Mais alors, attends, quel genre de détails? Bah, je sais pas, voir un peu qui s'occuperait du supermarché le lundi, voir si elle préférait un labrador ou un chat persan. Oh là, bah, dites donc, ça va lui faire très plaisir, à mon avis. Si, je croyais que ça lui ferait très plaisir. Mais regarde le titre de son livre. Mais l'homme idéal existe, il est québécois. Alors que l'homme idéal existe, mais il est belge, évidemment. Québécois, là, mais enfin. Ça, mais... ça arrive. Ça aurait été un Sénégalais, j'aurais rien dit, je me serais effacé, mais. Québécois au lieu d'un belge. Prendre un médicament générique quand on peut avoir l'original, je comprends alors pas. Alors tu sais, Alex, moi je la connais un petit peu, Diane Ducré. Ah bon? Ah bah t'avais aucune chance. Mais non. Bah il y a un truc qu'elle déteste. C'est quoi? Les hommes qui font pipi sous la douche. Eh ben si elle est pas écolo, j'en veux pas non plus. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui assigne l'actualité à résidence, comme les militants écolos, et voici les trois informations qui pourront militer virtuellement jusqu'à 18h. Le Bourget est devenu une base de l'ONU pour la COP21 avec 150 chefs d'État, l'idée c'est qu'on en parle encore comme d'un grand événement dans 50 ans. C'était génial, tu te rends compte qu'il y avait 216 pays représentés? Vraiment l'impression de faire partie de la planète quand tu vois ça. Les slogans des candidats aux régionales sont tellement insipides qu'ils nous passent complètement au-dessus du cigare. Genre, vous par exemple, vous n'auriez pas une idée plus percutante? Bah genre... des phrases chocs quoi. Genre des phrases chocs. Parmi les youtubeurs, il y a les représentants de l'humour, de la mode, du porno et maintenant des livres. Les booktubers, c'est une bande de jeunes qui causent bouquins depuis leur chambre. Ah, il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres, partout, voilà. Et moi, je suis accompagnée de celui pour lequel je n'ai rien écrit, mais c'est Alex Vizorek, tout le monde le connaît. Mais tout le monde sait ce que vous pensez de moi. Bonjour, Charline Vanhoenacker, et j'en pense la même chose, vous imaginez. Aujourd'hui, extrêmement belle équipe autour de la table. À 17h20, dans une autre vie, il a eu une très honnête carrière de comédien. Aujourd'hui, c'est le plus grand espoir de la chronique poético-nihiliste en France. C'est Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? Je vais vous emmener au Caribou Club. Au comment? Au Caribou Club. Ah, au Caribou Club, d'accord. Oui, il faut que j'articule, je sais, je vais pas me reprendre. À 17h30, celui à qui la COP21 a refusé l'accréditation, oui. Alors que franchement, s'il y en a un qui recycle tout, y compris ses propres vannes, c'est bien lui. Bonjour Guillaume. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi je me suis rendu en région PACA, où Marion Maréchal-Le Pen est en tête des sondages, et j'ai rencontré des électeurs. J'espère qu'elle subventionnera la bonne culture française. Voilà, Alex, vous êtes tranquille avec vos goûts musicaux, vous pourrez demander l'asile politique culturelle en PACA. Voilà, j'en vous casse à des dates en prévision. Et à 17h40, celui qui n'a rien à envier à Usain Bolt, car lui aussi sa force c'est le départ. Et il a évidemment un autre point commun avec Usain, mais ça il le partage avec pas mal de Jamaïcains. Bonjour Thomas VDB. Bonjour Alex Vizorek. De quoi on va parler? Eh ben on va parler de la nouvelle chanson de rupture de la chanteuse anglaise qui s'appelle Adele. Moi je le connais très bien. Oh, on l'adore. Allez, aujourd'hui le référent de la République qui préside cette émission est né sous Mitterrand et Baudouin de Belgique, puisque vous êtes né à Anderlecht, pas loin de Molenbeek. Vous animez les forums de l'histoire sur la chaîne Histoire en 2009, alors que cette année-là, sur France 2, le grand fait historique, c'est les 20 ans de Fort Boyard. Votre premier ouvrage est un best-seller, Femme de dictateur, publié en 2011, l'année où Ben Ali dégage de la Tunisie. Vous publiez ensuite La chair interdite en 2014, en même temps que Merci pour ce moment. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer. Vous êtes. Je m'appelle Diane Ducret. Bienvenue. Merci. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Diane Ducret, la France et le monde entier vous connaît pour les femmes de dictateurs, traduit dans beaucoup de langues. Et on vous redécouvre aujourd'hui dans un roman qui s'appelle « L'homme idéal existe, il est québécois », où vous vous abandonnez littéralement à un style léger et drôlatique. C'est un peu une comédie romantique, oui, parce qu'on peut voir un film défiler sous nos yeux, on vous imagine très très bien, dont le sel est largement aussi basé sur les quiproquos entre Français et Québécois. Je cite un exemple, je prends mon temps, c'est l'homme qui parle, hein. Je prends mon temps, je turlute sous la douche, je tiens ça de mon grand-père. Il faut dire que vous venez de le rencontrer, vous sautez dans un avion parce que vous avez une espèce de coup de cœur à Paris pour un Québécois qui vous invite à passer une semaine au Québec et il vous dit moi je prends mon temps dans la salle de bain, je turlute sous la douche. Donc il y a vraiment tout le sel du roman, outre les histoires, c'est bien sûr ces quiproquos dans la langue. Il faut préciser qu'il chante sous la douche donc. Oui, c'est oui, ça exactement. Que moi j'étais là, mais c'est de quoi on parle. Je sentais les auditeurs suspendus à cette réponse. J'étais là, j'ai une réputation, donc il chante sous la douche. J'étais inquiété au début, vous saviez que ça voulait dire chanter, turluter. Non, okay. Non, on ne sait pas tout de suite. Ouais. Vous n'êtes pas inquiété, c'est vous dans le roman? Je me suis inspirée. En fait, je suis allée au Québec. Discrétos la question. Alors, racontez. C'est une question qu'on lui pose souvent. Oui, j'imagine, vrai. Oui. Je suis vraiment allée au Québec pour mon précédent ouvrage, pour La chair interdite. C'est vrai que là-bas, ils sont assez féministes. La chair interdite raconte vraiment l'histoire du sexe féminin et comment à la fois la maîtrise, le désir du plaisir féminin et de son pouvoir reproducteur vont être vraiment finalement les vrais moteurs de l'humanité. Là-bas, ça a été pris très au sérieux. J'ai fait beaucoup d'émissions et c'est vrai que le soir, dînant avec mon éditeur local, qui est plutôt un type sérieux, quand la personne vous dit il fait moins 30, quand on est un peu picolé, on remonte en voiture, déjà on sait plus trop où on habite, on a un bonnet, trois manteaux, le type, je te laisse pas repartir, t'es bien trop chaude. Et vous alors, avez turluté un petit peu là-bas dans les cas, okay, en fait non, ça veut dire t'as trop bu. Ah d'accord. Et okay. Sinon dans la voiture, il dit, sinon tu chauffes toi. D'accord. Non, c'est pas exactement la même histoire que celle du livre, mais c'est bon, presque pire, j'ai et envie du de coup, dire. Ça m'a beaucoup amusé et c'est vrai que je n'ai pas été insensible au charme du pays, je suis restée un petit peu plus longtemps que prévu. Et du coup, j'ai vraiment eu envie d'écrire cette comédie pour s'amuser après tous ces dictateurs et toutes ces femmes face aux dictats de l'histoire. Oui, parce qu'il faut savoir, enfin, j'ai un vrai pouvoir sur l'histoire. Quand j'écris « Femmes de dictateurs », tombe à la fois Ben Ali et Moubarak. Quand j'écris le tome 2, alors que j'enquête sur Ben Laden et sur Kim Jong-il, tombent ces deux dictateurs en même temps. Est-ce que vous pouvez écrire un livre sur la femme d'Éric Zemmour? Et là, Justin Trudeau. Mais merci, oui, enfin. Oui, voilà, oui, l'homme politique idéal existe maintenant, c'est Justin Trudeau. Vous le trouvez vraiment idéal pour l'instant? D'un point de vue de communication politique, ouais. Il est à ce jour. Alors, vous jouez. Parce qu'il y a un côté. Alors, moi qui suis linguiste de formation. Là, mon accent belge qui remonte. Là. Ah oui, j'adore. Non, parce qu'il y a un côté très linguistique, c'est-à-dire que vous allez vraiment rechercher toutes les expressions les plus équivoques possibles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vous avez dû travailler ça, j'imagine, pour alimenter le livre, non? Oui, est-ce que t'es là? Mais c'est parce que comme vous êtes une scientifique quand même au départ. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'aime bien la philologie, j'aime bien la sémantique et c'est mes études de philo qui m'ont donné peut-être ce goût pour les racines. Venant du Pays Basque, étant née en Belgique moi-même, c'est vrai que c'est un livre à accent, on va dire. Et j'aime bien aller chercher toutes ces expressions-là. C'est vrai que le type vous dit qu'ils se mettent sur leur 36. Mais quoi? Non, en fait, c'est se mettre sur son 31. Mais pourquoi 36? Il n'y a pas 36 jours dans un mois. Oui, mais ça n'a rien à voir. Et on se retrouve dans des situations comme ça où on s'engueule avec des Québécois sur rien. C'est vrai, d'ailleurs, à Montréal, il y a une boîte de strip-teaser qui s'appelle le 36, je pense. Ah ouais. Vous êtes bien informé. Bien sûr, je suis Alex Vizorek, on y voit 36 chandelles. Je regarde un garçon. Mais alors, non, surtout le regard d'un humoriste, parce que très souvent, vous essayez à la vanne dans l'écriture même. Il y a des comparaisons, il y a des métaphores qui pourraient être des vannes qu'on peut faire sur scène. Est-ce que c'est le genre de truc qui vous amuserait? Parce qu'on sent que vous avez envie de déclencher le rire par cette écriture-là. Bah, j'aime bien rire d'abord, moi je me... Mais vraisemblablement, vous aimez faire rire. Bah oui, je suis ma première cliente. C'est déjà pas mal. En fait, ouais, je trouve ça agréable. Je sais pas, je trouve que... faire apprendre l'histoire ou intéresser les gens à l'histoire ou la culture sans pouvoir les amuser. Je trouve ça d'une tristesse absolument absolue. Oui, il y avait moins de vannes dans les dictateurs tout de même. Non, c'est faux. Ah pardon, c'est j'ai faux. Mal lu peut-être. Il y a certains chapitres s'appellent En attendant Adolphe, Zigzig avec toi. Il y a énormément d'humour, mais il est caché. Je vais le relire. On le voit moins. Et il est subtil, c'est pour ça que et vous, et vous avez deux tomes à lire. Hein. Il y a les dictateurs 1 et 2. Et oui, Diane Ducret, l'homme idéal existe, il est québécois. Elle dit « Passablement dégoûté des hommes, j'allais en désespoir de cause donner mon amour à Dieu. » Et un peu plus loin, « Mais lequel choisir ? J'ai déjà mis 3 mois à me décider pour un opérateur téléphonique. » Oui, qu'il y a de la vanne. C'est Diane Ducret avec nous jusqu'à 18h sur France Inter. Come together, cher auditeur d'Inter, à 17h21. Autour de la table, Diane Ducret. Oui, non, c'est vrai, il y a d'autres gens, pardon, j'ai pas vu. Il y a Hippolyte Girardot, il y a Guillaume Meurice et Thomas Bellé. Parfait, elle est autour de la table. Ça m'a complètement stabilisé. Si vous voulez, je vous laisse. Non, allez-y, faites l'émission. Il y a quelqu'un pour faire le journal ou pas de chose ? On vous récupère, c'est bon ? Ok, parfait, allez, c'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. La COP21 est ouverte depuis ce matin et hier, symboliquement, des paires de chaussures ont été déposées sur la place de la République pour compenser l'interdiction de la marche. Ban Ki-moon et Marion Cotillard avaient posé une paire de chaussures. Chaussures qui, ensuite, ont été redonnées à des associations. Ces dernières regrettent que ni Roland Dumas, ni Aquilino Morel n'aient déposé une paire, ce qui fait un gros manque à gagner. Ça, c'est un titre, ça. Oui, c'est un long titre. C'est un long titre. Je voulais bien amener la vanne. C'était le dossier de la rédaction, ça. Alors, le problème, c'est que maintenant, vous avez coupé alors qu'il y avait un lien. Chaussures toujours. Yannick Noah aurait aimé participer à l'initiative des chaussures, mais il ne savait pas quoi envoyer. Voilà, très bien. Elle marche quand même. On parlera également de Christian Estrosi qui lui continue de polluer les réseaux sociaux. Et il y aura des brèves parce qu'elles ne font tellement pas réfléchir qu'on ne contribue pas au réchauffement climatique. Et on commence par la COP21. Effectivement, pour l'ouverture, les transports en commun sont gratuits, mais les autorités déconseillent de les emprunter et les marches sont interdites. Le gouvernement conseille de prendre l'ascenseur. Voilà, ces manifestations virtuelles et symboliques ont permis à Paris de faire voir au monde sa mobilisation. Alors, on l'ignore encore, mais si les Parisiens veulent marquer le coup, ils peuvent commencer par un geste simple, arrêter de vider leur cendrier par la fenêtre au feu rouge. Hein. Voilà, c'était un édito, ça, c'était pas une vanne. Hein. Donc, un partout. Notons toutefois que face à l'interdiction de rassemblement pour le climat, on a déposé donc ces chaussures usagées. Que va-t-il advenir si la place de la République est toujours interdite de rassemblement le jour du SIDAction ? On ne sait pas. Non, il y avait une vanne, mais un peu visuelle. Terminons-en avec la mobilité. Oui, suite à la mise en garde des autorités de ne surtout pas prendre sa voiture, il s'est avéré qu'en fait la circulation en Île-de-France était plus fluide que jamais. Ah, donc quand le gouvernement annonce le pire, le meilleur arrive. Voilà, et l'inverse est souvent vrai aussi, notamment quand on nous annonce l'inversion de la courbe du chômage. COP 21 toujours, au menu ce soir pour les 150 chefs d'État. Eh bien, en dessert, ce sera un Paris-Brest. Et en plat, ce sera un suprême de volaille. Suprême de volaille, voilà, qui va faire plaisir à tous les flics mobilisés pour un événement. Et on termine sur la COP21. Oui, avec François Fillon qui se dit très concerné par le réchauffement du globe. Même s'il a d'abord cru que Juppé avait de la température. Voilà. Politique avec Estrosi. Oui, il a été boire des verres en terrasse et il a tweeté une photo avec ce commentaire, je cite, hein. Fuck Daesh, fin de citation. Voilà, évidemment, l'inquiétude est tellement grande du côté de l'État islamique que les commandes de tubes de vaseline ont augmenté. International avec la Serbie. Oui, à Serbie, je vous lis le titre, mis en cause pour chantage, le Premier ministre se soumet à un détecteur de mensonges. Et Aleksandar Vučić a très bien réussi l'exercice. Voilà, en tout cas, si les politiciens se mettent à utiliser le détecteur de mensonges, cela pourrait sérieusement pimenter la primaire à droite. Mais passons au bref avec un premier titre. Airbnb... Une propriétaire poursuit ses hôtes pour avoir tourné un film porno dans sa maison. Tu m'étonnes qu'elle les poursuit. Moi, je serais furieux si on tourne un film porno chez moi et qu'on me prévient après. Et enfin, une sordide histoire. Sordide enfin, plus histoire. Sordide que la précédente. Bah oui. Angleterre, depuis 4 mois, il regardait la télé avec le cadavre de son père. Et oui, comme il ressemblait aux gens dans le public de chez Michel Drucker, il ne s'était pas inquiété. Voilà, retour à une activité normale sur France Inter. C'est de la vraie info, parce que vous me regardez avec un air noir, Diane Ducret. C'est du journalisme, voilà. C'est ça. Et puis ces faits-là deviennent historiques parfois, hein, ça arrive. Premier sujet avec vous, Diane Ducret. Le Bourget est devenu territoire des Nations Unies, où 195 pays doivent trouver un accord, dont 150 chefs d'État. Si tous les gars du monde décidaient d'être copains et partageaient un beau matin leurs espoirs et leurs chagrins, si tous les gars du monde devenaient... Ça l'avait marre, non, non, c'est, ça, c'est beau. Je sais pas que c'est pas joli. Les compagnons de la chanson. Voilà. Alors, Diane Ducret, vous qui publiez L'homme idéal existe, il est québécois, aux éditions Albin Michel. Est-ce que l'homme idéal, il doit être COP 21, c'est-à-dire du genre à laisser une paire de pompes sur la place de la République, ça doit faire, voilà, ça fait partie du. Des qualités. S'il laisse ses bottes canadiennes fourrées au castor vivant, ça va prendre beaucoup plus de place déjà. On devine dans le livre qu'il l'est quand même, parce que déjà il est québécois, donc il a un tropisme, un penchant vers la nature, plus que ça même. Ils sont plus proches de la nature. D'ailleurs, c'est vrai qu'une des premières mesures de Justin Trudeau, le nouveau Premier ministre, a été justement de renommer le ministère de l'Environnement, qui est désormais le ministère du Changement Climatique, d'ailleurs. C'est une femme, je pense. C'est une femme. Oui, mais alors il a un casting, vraiment, je ne sais pas qui est son directeur de casting, c'est exceptionnel. Il y a un cosmonaute, ainsi qu'un turban qui devient ministre qui est ministre de la Défense, absolument. Ouais. Une femme autochtone qui est ministre de la Justice. Un handicapé, un aveugle. Il y a vraiment un quota. C'est plus que le quota. C'est vraiment les X-Men qui reviennent. Il a un directeur de casting d'enfer. Mais en tout cas, pour l'environnement, c'est vrai que ça a été une de ses premières mesures. Et il a quand même promis de donner, je crois, plus de 30 millions de dollars pour justement aider les pays qui vont subir de plein fouet le changement climatique et d'accueillir beaucoup de réfugiés syriens tout d'abord, mais climatiques par la suite, c'est pas mal. Voilà, et pour la COP21, il propose aussi le financement pour les pays en voie de développement. Justin Trudeau a justement dit à propos de la COP21, Canada is back, parce que Stephen Harper, le précédent Premier ministre, avait sorti le Canada du protocole de Kyoto, alors tout en mettant un léger bémol qui s'appelle l'Alberta quand même, avec ses sables bitumineux, le gaz de schiste, etc. Je vous renvoie au 7h50 l'interview de Léa Léa Salamé qui a eu la chance de rencontrer Justin Trudeau. Oui, alors vous deux, vous êtes amoureuse de Trudeau, on l'a remarqué. Donc le thème, c'était la COP21, hein. C'était pas la politique intérieure du Québec. Hein. Non mais bon, alors voilà. Le, oui, c'est pas l'intérieur, c'est l'extérieur qui nous intéresse, on a dit. C'est vrai, alors ça va. Donc vous mettez des espoirs dans Justin Trudeau, dans un nouveau souffle, et donc dans le fait que le Canada réintègre les processus et les protocoles. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire en écrivant cette comédie. C'était exactement. En fait, c'est lui qui se cache. C'est qui se cache derrière votre ouvrage. Sinon, figurez-vous, j'ai lu ce matin dans La Croix qu'en Tanzanie, il y avait 1000 Maasai du Serengeti qui ont manifesté pour l'accord mondial, alors qu'à Paris, on peut pas manifester. On est moins intéressé par le Premier ministre de Tanzanie, Diane Ducret. On n'a pas d'avis là. Non, absolument pas. Figurez-vous, non, je suis très intéressé par la COP21. En revanche, non, totalement. L'écologie, c'est quelque chose qui m'importe énormément, et alors pas uniquement dans le côté sauvons la nature, sauvons la planète, d'abord sauvons-nous nous-mêmes, mais surtout, moi j'aime la géopolitique et la diplomatie, et je trouve que ce serait vraiment l'occasion d'une nouvelle donne politique mondiale si l'on se passait demain du pétrole et qu'on réalisait la transition énergétique, on rebat toutes les cartes, les guerres du pétrole, puisque les guerres du Moyen-Orient sont d'abord des guerres du pétrole, le conflit israélo-arabe ainsi que la situation en Amérique latine, tout repart à zéro. Je trouve que ce serait quand même quelque chose de formidable. Et il y a quelqu'un, je vous invite à aller voir d'ailleurs ses travaux. Je travaille avec lui, c'est quelqu'un qui s'appelle Mark Jacobson, qui dirige justement le pôle sur la transition énergétique à Stanford University, qui est donc leader là-dedans, qui a créé un projet, il a établi pour tous les pays présents aujourd'hui à la COP21, les plans de transition énergétique avec faisabilité pour transition à 10%, 20%, 30% jusqu'à 100% d'ici 2050. Il montre que c'est faisable, combien ça coûte, combien on peut gagner avec. Donc en fait, il n'y a plus qu'à finalement. Il n'y a plus qu'à convaincre l'Arabie Saoudite. Oui, c'est exactement, c'est ça. On va y aller toutes les deux. En tant que femme, on sera très bien accueillis. Oui. C'est une bonne idée. Voilà. Et puis, sachez qu'il y a un mécanisme de révision régulier qui sera prévu, qui s'appelle clause de revoyure. Donc, j'ai imaginé que Ségolène Royal avait dû avoir cette idée sur la Grande Muraille. Je ne vois que ça. Voilà. Donc, François Hollande est de retour au Bourget, hein, avec un discours, vous savez, le fameux discours « Mon ennemi n'a pas de visage, c'est la pollution ». Je laisse la parole à Hippolyte Girardot. D'accord. Très bien. Oui, non, si vous allez en Arabie Saoudite, c'est bientôt les élections où les femmes vont pouvoir voter. Une fois qu'elles seront élues, elles ne pourront pas aller dans la chambre où il y a des hommes qui sont des députés. C'est impossible. Elles seront chez elles. Elles parleront à quelqu'un qui parlera aux hommes. Donc il y a des progrès en Arabie Saoudite. Ça je voulais dire. Oui, Diane, en fait c'est une déconvenue, il faut l'avouer, parce que la plupart des mâles ici présents, n'est-ce pas Alex, n'imaginaient pas que l'homme idéal fût pour une belle Belge comme vous, un Québécois, quoi de surcroît. La francophonie solidaire, ça va à 5 minutes, mais il y a des limites. Hein. Alors moi, en tant que Parisien superbe, hautain et stratège, comme vous la définissez, moi je comprends, parce qu'il m'est arrivé à moi une québécoiserie, il y a un instant. Bon d'accord, j'avais pas écrit des livres très denses et documentés sur les femmes qui se cachent derrière les tyrans politiques de notre époque. Des livres qui nous permettent d'imaginer Hitler accueilli par « As-tu bien travaillé aujourd'hui, mon amour ?» ou un Staline se posant devant sa cheminée alors que sa femme vient lui apporter sa pipe. Hein. J'ai dit « apporter ». Je n'avais pas non plus passé de longs mois à cataloguer les innombrables tortures infligées aux femmes depuis toujours par les hommes, se vengeant sans fin d'être sortis de ce vagin qui les fit et dont ils ne savent au comment s'en défaire. Non. Moi, j'avais juste été largué grave par ma copine, parti avec un 4x4, un ponton au Cap Ferret et un abonnement aux hôtels de luxe. Si je devais continuer la comparaison, je dirais que le tyran que je fus puni et privé de sexe faible et comme Staline, de sa pipe. Donc, je pleurnichais, bien sûr, dans le giron de ma copine de Montréal, Marie-Jo, qui me dit « Va chez moi, la femme idéale existe, elle est québécoise. Tu verras, la différence est saisissant. » Hostie, me v'la partie. Et quand on arrive, effectivement, on est saisi. Hein. Il fait tellement froid qu'ils ont construit deux Montréal. Il y en a un en surface et il y en a un autre en sous-sol. Et probablement en hommage à la Sibérie, leur sandwich, ils appellent ça des poutines. Je suis sérieux là. Alors je me suis précipité au Caribou Club pour me réchauffer et aussi pour me mettre en chasse de cette femme idéale. Je vais au bar, je prends un drink et le barman, un beau gars barbu avec la chemise à carreaux, le gars typique, presque trop typique d'ailleurs, me demande si je suis français. Je lui dis oui et il se marre. Moi je ris aussi comme un Parisien qui veut faire son malin hein, quand je tends une main me pogner gravement la fesse. Ok, bon, j'étais jeune, j'avais les cheveux longs, tout ça, genre Alex quoi, mais bon, sérieux. Je me retourne, et non, pas du tout. Ce n'est pas un copain du barman, mais une fille super belle, souriante, brune, genre vous, voilà, et qui me demande ce que je veux boire. Je lui dis non, c'est bon, mais je peux vous offrir un verre si vous voulez. Elle change de mine dans la seconde et elle me dit, écoute, toi, je suis sur le radar, me compte pas davantage. C'est moi qui propose, toi tu disposes, ok? Je vois le barman là-bas, au bout du zinc qu'il doit faire. Le zinc fait 15 km de long déjà, je t'explique. Il lève son pouce en se foutant de ma gueule quand je sens jurer la main de la femme m'attraper la ceinture du jean, me tirer vers elle, je veux dire, sur elle, et elle me dit, j'ai l'abribus qui se refroidit, on va faire un tour. Waouh! Alors là, je me suis retrouvé face à l'inconnu, quoi. Je suis seul sur Mars, une conductrice de bus. Mais c'est quoi ça? C'est une métaphore pour dire qu'on doit prendre une ligne? Je comprends pas, je sais pas. Et elle me dit, dis-moi, beau gosse, c'est pas parce que tu me fais capoter avec ton petit cul racing que je vais attendre le dégel? Tu viens me taper le fond ou tu me prends pour ta mère? Alors là, ouais, là d'accord, là j'ai compris, j'ai eu le déclic. Hein. Je vous raconte pas comment je m'en suis tiré, parce qu'il y a des gens qui écoutent, et puis Charline est en train de s'évanouir. Mais j'ai compris. Donc, j'ai une chaleur. Donc, chère Diane, c'est vrai. C'est vrai. L'idéal québécois existe. Elle est bien faite, rien à dire. Elle a une belle paire de plombs. Et elle le voulait, son biscuit. Mais j'ai choqué au last moment, quoi. C'est vrai, j'ai eu la chienne. Et même si j'avais le bonbon de coller dans la vitrine, j'ai pas eu les gosses pour ça. Les gosses étant les couilles. Merci, Paul Girardot. Mais toutes les expressions sont. D'origine. Est-ce que toutes les expressions sont d'origine? Oui, c'est vrai. Vous avez checké. Oui, absolument. Comment on check le toaster quand il est fucké ou pas? Pogner les fesses, on dirait pas ça, on dirait pogner les foufounes parce que c'est les fesses, c'est les foufounes. D'ailleurs, autre bar à Montréal que je vous conseille, les foufounes électriques. Oh, formidable. Il va falloir qu'on se cause quand même en antenne, parce que vous connaissez des super endroits sur place. Très belle programmation musicale. Tiens, en parlant de programmation musicale, c'est parti. Guillaume, il veut y aller là. I walk until drops. I walk until you grow. Camille et Yael Naïm, et Diane Ducret, notre invitée, qui publie « L'homme idéal existe ». Il est québécois, c'est paru chez Albin Michel. Et qu'est-ce qu'on se fend la poire ? On est ensemble jusqu'à 18h et à 17h37, Diane Ducret, disons que le reporter idéal... C'est Guillaume Meurice. Mmh. Et vous allez comprendre pourquoi, oui. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, moi, je vais vous parler des élections régionales aujourd'hui, puisque je suis allé faire un tour en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, on le sait, la tendance est à droite, hein, puisque je vous rappelle que le mec le plus à gauche de la région, c'est Christian Estrosi, hein, Che Guevara de la pétrolette, le Bakounine gominé. Et la région est d'autant plus à droite que les derniers sondages sont très, très, très favorables à Marion Maréchal Le Pen. Je suis donc allé, comme j'en ai l'habitude, à la rencontre des habitants dans les Alpes-Maritimes, et je vous le dis en toute sincérité, j'ai été surpris. Oui, j'ai rencontré des gens tout à fait accueillants, et surtout, ils sont absolument pas racistes. Moi, je peux simplement vous dire, il y a un mec qui a dit « Ah, ça va, quand il y en a 10, c'est trop. Je vais assez dans son sens. » Et pourtant, vous n'êtes pas raciste. Non, non, je peux pas dire que je sois raciste. Moi, de blanc, jaune, vert, machin, non. Mais par rapport à certaines choses, ouais. Mais c'est ce qui se passe qui vous fait devenir raciste. Oui, mais vous, vous l'êtes pas devenu. Si, je le suis devenu. Ah bon ? Enfin, non, jusqu'à un certain point, quand même. Quand on parle de racisme, bon, dans la globalité, je suis pas raciste. Il y a des choses qui me font que, bon, on est obligé de l'être. Ben voilà, ils sont pas racistes, sauf bien évidemment quand ils sont obligé de l'être, hein, voilà. C'est logique. Et d'ailleurs, c'est pas facile hein, de devenir raciste. Il faut se mettre à croire en l'existence des races dans l'espèce humaine. Il faut les trier, les classer. C'est du boulot d'être raciste. Hein. Vous vous êtes là, oui, on est tous égaux, gna gna gna, et qu'une seule espèce, gna gna gna, bande de feignasses. Ah, soyez raciste un petit peu, faites des efforts. Bon, lui, il a été contraint de devenir comme ça, en passant notamment dans certains quartiers. Vous passez en voiture là-dedans, ben non, vous n'êtes pas chez vous. Vous avez l'impression d'être à l'étranger. Mais pourtant, vous n'avez pas de problème avec les couleurs de peau différentes. Non, non, absolument pas. Quand je vous dis jaune, des blancs, des verts, moi, ça ne me gêne pas du tout. Voilà, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci avec les jaunes, les blancs, les verts. Voilà, que ce soit les malades du foie, les albinos ou les martiens. Absolument aucun problème pour cet électeur de Marion Maréchal Le Pen. Donc, beaucoup d'amour, hein, beaucoup de tolérance. Puis de toute façon, je vais vous dire, raciste, ça ne veut rien dire. Hein. C'est un autre électeur de Le Pen qui me l'a confirmé. Non, raciste, ça ne veut pas dire grand-chose. Le français n'est pas raciste. Le raciste, il est beaucoup plus du côté de l'Afrique. Eux, ils sont racistes, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Mais eux, ils sont racistes parce qu'ils ne sont pas comme nous. Ben oui, ce sont les autres qui sont racistes parce qu'ils ne sont pas comme nous. Vous ne saviez pas ça, hein ? Si tout le monde était comme nous, ben, il n'y aurait pas de racisme. Hein, si les Noirs, ils étaient comme nous. Mais bon, le problème, c'est que c'est des feignasses. La plupart, ils ne font aucun effort pour devenir blancs. Hein, ils restent au soleil toute la journée, sans bouger. Parfois même, ils sautent des repas tellement ils sont feignasses. Après, il ne faut pas s'étonner qu'ils deviennent jaloux. Et donc raciste, voilà, c'est logique. Bon, autre point de discorde, hein, si Marion Maréchal Le Pen est élue, les subventions. Alors, elle a déjà annoncé qu'elle voulait supprimer celles pour le planning familial, hein, qui, selon elle, brise les valeurs de la famille traditionnelle. Et on le sait, pour les Le Pen, la famille, c'est sacré. Hein, y a qu'à voir la leur. Une vraie belle famille française traditionnelle. Le grand-père qui torture en Algérie, la grande-tante qui pose à poil dans les magazines. La famille française de base. Donc, le planning familial out. Mais qu'en sera-t-il pour les association culturelle, par exemple. J'espère qu'elle subventionnera la bonne culture française. Quand c'est de l'art, on le subventionne. Quand c'est de la vraie musique, on subventionne. Quand c'est de la musique de merde ou de l'art de merde, je ne subventionne pas. Mais comment on fait la différence alors entre de la musique de merde et de la bonne musique ? Alors ça, c'est faut se référer à la culture française. Ah, écoutez, on va parler. Vous voulez qu'on parle musique ? On va parler musique. Pour moi, c'est Taylor Swift numéro un. Même Madonna a reconnu que c'était la meilleure. Ben voilà, c'est simple. On s'en réfère à la culture française. Taylor Swift, Madonna, c'est quand même pas compliqué. Subventionner Taylor Swift. Mais bien sûr, bien sûr. Attends, je suis pas contre. C'est pas fini. Bah, c'est pas fini. Mais bon, ça a quand même plus de gueule que la culture américaine comme Mitchell Sadu ou Daniel Kishore, quand même. Hein. C'est quand même simple à comprendre, ça. Bon, en plus, lui, c'est un vrai connaisseur de musique. Par exemple, il écoute du hip-hop, pas vrai ? Souvent. Qu'est-ce que vous connaissez en hip-hop, par exemple ? Non, mais je connais le rap. Alors, qu'est-ce que vous connaissez en rap ? Bah, écoutez, qu'est-ce que... Dr. Gibbs ? Ça vous aimez bien ? C'est pas mal. Voilà, Dr. Gibbs, hein, qui est certainement un mélange de Dr. Dre et de Maître Gibbs, un petit peu à la manière de MC Aznavour ou DJ Debussy, enfin, je sais pas trop, j'y connais rien. Et ben, pour cet électeur de Le Pen, c'est une référence en matière de hip-hop. Mais alors, attendez, c'est pas fini, il a d'autres favoris en matière de musique moderne. Et si vous voulez que je vous cite mes préférés en la matière de musique moderne, bon, c'est très facile, je vais dire One Direction. Dis-donc, vous aimez un peu de la musique de merde, j'ai l'impression. Non, il n'est pas question de dire c'est de la bonne musique ou pas de la bonne musique. Ah, parce que vous venez de le dire, c'est pour ça. Si les artistes s'expriment dans la région et que leur musique ne plaise pas forcément à tout le monde, mais si c'est de la musique harmonieuse, pourquoi pas ? Eh ben, ah, c'est ça. Et il faut que ça soit de la musique harmonieuse. Thomas VDB, c'est trois, voilà. C'est harmonieux. C'est donc, magnifique. On imagine hein, qu'avec Marion Maréchal Le Pen, on aura un contrôleur d'harmonie au sein de la commission culturelle de la région PACA. C'est intéressant, ça crée des emplois en plus. Alors, dernier électeur, un autre bel exemple de tolérance, d'humanité et d'ouverture vers le monde qui nous parle de sa région. Bon, il y a beaucoup de musulmans. Et les musulmans, ils posent des problèmes ? Non, mais bon, je pense que voilà, la France, ça reste la France, quoi. Il faut vivre à la française. Quoi. Et pourtant, vous êtes tolérant. Oui, mais ça passe par ça, la tolérance. Mais justement, ça passe par ça. Et ça pose une question. Est-ce que vivre à la française, c'est continuer à subir des propos xénophobes de plus en plus décomplexés ? Le comble de la tolérance ne serait-il pas de tolérer tous les jours de plus en plus d'intolérance ? Merci, Guillaume Meurice. Est-ce que vous pouvez juste nous rassurer sur le fait qu'il y avait quand même des gens qui ne m'ont pas répondu ça, que vous avez interrogé ou pas ? Ah, il y en avait d'autres. D'accord. Non, c'est important de le dire. Et oui, on salue nos auditeurs de France Inter en région PACA, évidemment, qui ne sont pas tous courage, comme ceux courage, qu'on vient d'entendre. Trois auditeurs. Allez, de la région on PACA. On est ensemble jusqu'à 18h avec Diane Ducret qui publie L'homme idéal existe, il est québécois. Non, c'est Christian Estrosi et il vient PACA. Ah, je me reprends. Je vais tout changer. Déclaration. Ce sera le tome 2 consacré à Christian Estrosi. Allez, sujet 2, justement, la campagne des régionales, elle a repris à quelques jours du premier tour. Alors, on n'a pas encore inventé la campagne politique sans slogan. Hein. 4 ou 5 mots qui ne veulent rien dire, mais qui ont demandé des heures de prise de tête. Le tour à plusieurs, bien sûr. Donc ça nous donnerait Jack Bourgard pour une politique ferme, mais pas trop. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. Mais ça me rappelle quelque chose, ça. Ferme, mais pas trop. Bah, disons que c'était notre campagne de publicité pour le camembert bridoulou. J'ai repris le concept et ça fonctionne. Ouais, hein. Ouais, non, ça c'est grave, hein, ça, parce que si les gens ils s'en rendent compte... Les gens... Ouais. Vous aurez reconnu les inconnus. Diane Ducret, quelle est la première chose que vous regardez chez un candidat ? Hormis Justine Trudeau, éventuellement, si on peut parler. Je veux dire, Claude Bartolone, Valérie Pécresse, s'il y a des choses. J'ai une vision peut-être un peu tronquée pour avoir été plume pour homme politique. J'ai subi ce genre de brainstorming où, en effet, dès qu'on écrit un papier, ça passe par le conseiller défense, qui passe par le conseiller communication, qui passe lui-même par le conseiller. Racontez-nous, on est en C'est un tiercé, et à la fin, ce que vous aviez écrit, il reste, on va gagner. Vous aviez écrit pour qui ? Ce serait bien qu'on garde. Pour qui vous aviez écrit ? Ça, je peux pas vous le dire, vous malheureusement, pouvez pas, c'est mais j'ai arrêté de par ce fait. Ah oui. D'accord. Mais et depuis, Sarkozy réussit moins bien, d'ailleurs. Vous pouviez revenir ? Non. Alors, vous allez nous dire si c'est des bons slogans. Ou, par exemple, une île de France humaine. Qui a dit ça ? C'est le slogan de qui ? Une île de France plus humaine. C'est Bartolone, justement. Une île de France humaine. Parce que plus humaine, c'était trop long déjà. Ça sera le prochain. Plus le humaine qu'humaine, on se demande ce que c'est, visiblement. C'est de l'eugénisme, peut-être, on ne sait pas. Oui. C'est Bartolone, elle la veut humaine. C'est vrai que la transformer en parc animalier, j'aurais pas songé. C'est bien comme ça. Moi, je laisserai, je toucherai pas à sa c'est place. Vrai. Alors, apparemment, l'avantage, nous dit le journal L'Opinion, c'est que le slogan peut être décliné pendant toute la propagande électorale. Île de France humaine dans les transports, humaine dans le logement, humaine dans la solidarité. Ah, ça a bossé, ça a bossé. Je pense que vous avez peut-être un petit penchant pour celui de Valérie Pécresse, Diane Ducret. Parce que Valérie Pécresse, les Républicains, c'est « nous vous devons beaucoup plus ». Ah oui, et ça. Et ça, est-ce que quand on écrit des slogans, que vous avez participé à ce genre de rhétorique, on se dit « comment est-ce qu'on fait pour ne pas tendre la perche ?» ou le... Ah ben là, c'est vrai qu'écrire ça en dessous de son visage, on vous doit beaucoup plus avec ta photo, malheureusement, c'est quand même, il y a une erreur. Plus l'affaire Big Malion, etc. Ah ben oui, on vous doit beaucoup plus, oui, des millions en fait. C'est un petit peu embêtant. Et puis, autre question, depuis 2 semaines, on voit des drapeaux partout, on rechante la Marseillaise, etc. Est-ce que ça vous semble cohérent si après on ne va pas voter ? Parce qu'apparemment, les régionales, il y a un taux d'abstention qui est craint, enfin, qui est généralement assez fort, bien en dessous des 50%. Est-ce que, après ce qu'on a vécu, tiens, vous espérez un sursaut citoyen, vous, dans les urnes ou... Je pense que ce serait vraiment une vague de surface. Oui, il risque d'y avoir un sursaut citoyen totalement illusoire. Évidemment, toutes ces personnes vont surfer dessus, mais cela ne veut pas dire que le tissu électoral français sera ressoudé comme par miracle, tant que justement, en haut, rien n'aura changé. Pardon, mais du coup, j'ai l'article de l'Opinion et je suis sur celle justement de Marion Maréchal Le Pen avec la France plein sud. J'en peux plus. Je l'aimais beaucoup celui-là. Ah, je l'aimais énormément. Là, ils ont travaillé. Ah, ben, la France plein sud. Mais en même temps, c'est très risqué. Voilà, pas trop au sud, surtout. Faut pas aller trop trop loin. Puis, puis plein sud, vu ses dernières déclarations justement sur le planning familial, enfin, prenons une demi-seconde, ne soyons pas féministes, soyons juste humanistes, sans rire. Enfin, plein sud dans ta culotte, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un, non, c'est un petit peu dans l'esprit. De... Ça, c'est un bon slogan. Non, plein sud dans ta culotte, franchement, j'éviterais, moi. C'est bon. Yann Ducret, vous serez engagé par un autre politicien. Allez, on termine avec François Sauvadet, UDI, Les Républicains en Bourgogne-Franche-Comté, la région en grand, et le type fait 1m91. Je crois que tout est dit. Je passe la parole à Thomas VDB. L'actualisique. C'est un mélange de musique et d'actualité. C'est une rubrique que j'ai inventée. Oui, bien entendu. Et le temps perdu chaque semaine à trouver un nouveau jingle. Eh bien, bonjour à tous nos auditeurs. Cette semaine, moi, j'ai essayé de couper un petit peu avec l'actualité anxiogène de ces dernières semaines. On a remarqué que c'est quasiment impossible d'allumer la télé sans entendre parler de COP21 ou de Daesh. Moi, je vous dis, voilà, j'ai mis l'impression que Bernard Cazeneuve habite chez moi. Voilà, c'est pas dur. Hier, à force de fuir les impôts, comme des infos comme ça, j'ai zappé. Je suis carrément allé jusqu'à la chaîne 324 de la Mosaïque. J'ai fini en écoutant la radio sur la télé. Et je peux vous dire que oui, il y a des chaînes de radio sur la télé. Et quand tu te retrouves à écouter la radio sur la télé, c'est bizarre. Hein, tu as un petit peu l'impression que ce serait comme rouler sur le périph en avion pour aller de Porte de Vincennes à Porte de Charenton. Mais cette semaine, donc, moi, je voulais vous parler d'un sondage que j'ai lu, qui concerne la chanteuse Adèle. Alors tout le monde connaît la chanteuse qui s'appelle Adèle, qui avait cartonné il y a 4 ans avec sa chanson qui s'appelle Someone Like You, dans laquelle elle s'adressait à son ex après une rupture. C'était ça, souvenez-vous. Voilà. Donc on connaît bien les paroles du couplet, c'était j'ai appris que tu t'es installé, que tu as trouvé une fille et que tu t'es marié, j'ai appris que ton rêve s'est réalisé, je sais qu'elle te donne des choses que je n'ai pas su te donner. Voilà, on comprenait bien que les nanas étaient un peu aigries de s'être fait larguer évidemment, même si elle a quand même pu se consoler avec l'énorme succès du morceau. Eh bien Adèle est revenue et Adèle est retriste. 4 ans après, elle a fait un nouveau titre qui s'appelle Hello qu'on écoute tout de suite. Hello. Voilà. C'est son nouveau single, donc les paroles je vous les lis, j'abrège. Allô, c'est moi, je me demandais si après toutes ces années, tu voudrais bien qu'on se revoie pour faire le bilan. Hein, on dit que le temps guérit les blessures, mais je ne m'en suis pas remise. La meuf, 4 ans après, elle rappelle son ex. Hein, je crois qu'on peut parler d'une meuf qui ne lâche pas l'affaire. Hein, je rappelle que dans le test de la chanson précédente, on apprenait que l'ex en question s'était marié avec une autre fille, avec qui il était heureux. Hein, donc si 4 ans après la rupture, elle harcèle encore son ex au téléphone, hein, je crois qu'on peut parler d'une sorte de psychopathe. Alors, pour la nouvelle meuf de l'ex en question, à vivre au quotidien, je pense que ça doit être tout simplement oppressant. En tout cas, ce que je contacte, c'est que Adèle est bien la rupture, ça l'inspire. J'espère que son ex ne va pas finir par revenir, sinon elle risque d'être moins inspirée. Alors, si c'est pas les ruptures qui l'inspirent, en tout cas, c'est peut-être tout simplement les coups de téléphone, puisqu'on voit bien que pour Adèle, le succès, c'est simple comme un coup de fil. Hein, elle devrait faire un album entier que de tout téléphone. Les plus grands coups de téléphone de Adèle. Je te rappelle, ça capte pas. Voilà, peut-être, j'aurais voulu un menu B12 avec des brochettes, bœuf, fromage. Voilà. En tout cas, gros carton pour Adèle, puisque son clip a été vu plus de 500 millions de fois déjà en un mois sur YouTube. Un clip réalisé par Xavier Dolan, en sépia, évidemment. Un Québécois, idéal. Le Québécois, ouais. Évidemment. Et donc, j'ai vu un sondage, moi, cette semaine, qui dit que 64% des femmes ont rappelé leur ex après avoir entendu le dernier morceau d'Adèle. 64% des femmes. Alors, je ne sais pas pour vous, Guillaume, Hippolyte et Alex. Hein, oui, non, alors, pas, voilà, pas été surchargé. Exactement, je dirais même que 100% de mes ex ne m'ont pas rappelé. Alors, ils sont mélomanes, les vôtres. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que... Non, ils ne sont pas fans d'Adèle non plus. Ce qui est fou, c'est que le sondage explique que les filles, aujourd'hui, sont plus sensibles que les hommes aux émotions véhiculées par les paroles d'une chanson. Alors, ça pose une grande question. Est-ce qu'il faut se laisser influencer par les paroles des chansons qu'on écoute? Big Alors, Bisou. Oui et non. Alors peut-être pour Big Bisou, c'est au cas par cas. Je dirais que ça peut donner de la force. Si on allait faire de la boxe et par exemple on écoute Rocky 3, tu vas gagner. Ça te donne la patate. Ah, mais attention à ne pas se laisser influencer d'autre part non plus. Hein, si tu vas voir ta mémé qui est à l'hôpital en soins palliatifs et que dans la voiture en y allant tu entends Des Branches de France Gall. Voilà. Donc tâchez de faire évidemment preuve d'un minimum de discernement à l'écoute des paroles des chansons. Merci Thomas VDB. Restez aussi critique. Il y a une distance critique vis-à-vis de ce que dit Thomas VDB. Allez, on va faire aborder le troisième sujet avec vous, Diane Ducret. Eh bien, justement, sur YouTube, les ados parlent aux ados, ça on le savait, oui, mais ils parlent aussi de livres. Et ça s'appelle des booktubers. En fait, Baudelaire, bah, voilà quoi, c'est le Marc Dancel du 19e siècle, mais qui s'excite en prose. En vrai, dans Les Fleurs du Mal, c'est juste des poèmes sur des grosses faces de bad hystériques, quoi. Le spleen, c'est genre le bad, mais puissance 1000. Baudelaire, avant tout, c'est un idéaliste, il n'y a rien qui se passe comme il veut. Donc il zarafe, méchant de la réalité. Ouais, c'est l'exemple typique d'un bouquin écrit par un maudit, quoi. Un mec inconsolable qui kiffe trop le vice, la débauche, Satan et tout, t'as vu. Il n'arrive pas à tâcher les angoisses de sainteté, voilà. Yo, maintenant, vous êtes prêts pour déglinguer l'ADN des examinateurs au bac avec Les Fleurs du Mal. Et allez écrire des poèmes, hein. Tchuss. Voilà, Kamel est un YouTuber, vous pouvez voir ça sur Dailymotion. C'est plutôt vrai, enfin. Ouais, bah, bien sûr, c'est dit avec d'autres mots, oui. Mais c'est l'analyse est, bon, on dira pas fine, mais pas inexacte. voilà, des booktubers, booktube, donc littéralement, c'est une chaîne télé sur le web, mais dédiée aux livres, gérée par des ados qui s'adressent aux ados, que la critique se rajeunisse et échappe aux professionnels. Vous, en tant que romancière, Diane Ducret, vous voyez ça d'un œil complice. Mais oui, enfin. Je trouve ça vraiment génial. D'abord parce que ça, on échappe assez, on va dire, renvoi d'ascenseur journalistique parisien. Parfois, il est vrai, où il faut jouer des coudes. 3 mois avant la sortie d'un ouvrage, maintenant, on sait qu'il va falloir envoyer à tel et tel journaliste, qu'un tel va pouvoir en parler peut-être. Il va ça s'appelle un service de presse. Oui, sauf que ça ne marche plus exactement comme ça. Il faut tellement jouer des coups. D'abord, on est très nombreux. Les journalistes n'ont pas le temps de lire. C'est extrêmement difficile. Et on a perdu peut-être quelque chose de très simple, qui est le coup de cœur, l'élan, l'envie, qu'ils ne transmettent pas forcément. Et là, c'est le cas. Et là, c'est le cas. Et pourquoi ça marche ? En effet, il y a proportionnellement bien moins de vues qu'un bel article dans Le Monde ou ailleurs. Mais je pense pour que l'instant. Les lecteurs sont plus... Oui. Plus sincères, il y a une sincérité. Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a moins de vues, mais par des gens concernés qui savent que la personne en face n'est pas forcément payée ou n'a pas forcément un livre qui va sortir dans 3 mois chez le même éditeur, donc elle doit absolument parler de ce livre-là. Et du coup, il y a quelque chose de plus sincère et de plus jeune, on retrouve l'envie. Moi, j'ai eu la chance pour ce livre-là, alors pas pour les livres d'histoire, mais parce que le phénomène est assez nouveau aussi, j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup qui m'ont suivi. Et je les trouve super. Est-ce je trouve que Kamel finalement, a kiffé. Je sais pas. j'ai pas eu de retour de pas Kamel. Un booktuber. Ça n'est pas un booktuber, mais c'est vrai qu'ils ont aussi un regard frais et sur tout cela. D'ailleurs, en parlant de services de presse, etc., il y en a certains qui ouvrent les boîtes et qui montrent toutes les enveloppes qu'ils reçoivent. Et donc, ils parlent aussi de cette cuisine interne qui existe. Donc, on vous conseille d'aller voir un petit peu ce que c'est. Mmh. Et c'est un regard frais et désintéressé, ce qui, en cette époque, est précieux. Ouais. Vous avez un petit sketch à proposer à Diane Ducret. Tous les jours, Diane Ducret. On propose à l'invité d'intégrer le sketch de fin. Je vous ai donné un rôle. Attention, petits oignons. Vous êtes Ségolène Royal qui se tire un peu la bourre avec Laurent Fabius pour savoir qui vraiment est le patron de cette COP21. À deux, ils accueillent tous les présidents du monde. Et là, le président du pays le plus pauvre, c'est le Malawi. Et c'est Hippolyte Girardot le président, Guillaume Meurice, Laurent Fabius. Et vous êtes Ségolène Royal. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le ministre de l'écologie. Non, le ministre de l'écologie, c'est moi. Oui, mais moi, je suis mieux. Je suis ministre des Affaires étrangères. Ah, vous n'avez rien à voir avec l'écologie. Vous rigolez, je suis passionné d'écologie, moi. Je dirais même que je suis la personne la plus écolo de France. Non, c'est moi. Ah oui, et on peut savoir comment vous êtes venue au Bourget, madame ? En voiture électrique, monsieur. En voiture, bravo, je suis venue à vélo, moi, madame la ministre de l'écologie. Vous, à vélo ? Oui. Avec les cheveux dans le vent, j'imagine. Oui, pardon. Oui, bonjour, monsieur le président du... Du Malawi. Du Malawi, ouais, c'est ça. Oui. Vous êtes passé à la voiture électrique chez vous ? Disons qu'on n'est pas encore entièrement passé à la voiture. Ah, très bien. Ça, c'est bien, c'est COP21. Et en matière de toilettes ? Oh, moi, je vous conseille les toilettes sèches, hein, vraiment. Oh, bah, chez nous, la sécheresse, c'est une tradition. Très bien aussi. Ça. D'ailleurs, moi, personnellement, j'utilise très très peu d'eau. Ah, moi, j'en utilise encore moins que lui. Ah, bah, ça m'étonnerait. Moi, je ferme le robinet quand je me lave les dents. Ah, oui, et pour moi, pour économiser de l'eau, je fais pipi sous la douche. Ah, non, pour ça, je suis comme Diane Ducret, je déteste les hommes qui font pipi sous la douche. Ouais, bah pardon. Oui, il est encore là, lui. Bon, on va dîner ? Moi, je mange que du bio, hein. Ah bah, moi aussi. Et chez vous, au Malawi, on est plutôt tofu, soja, boulgour. Pardon ? Ils vous demandent ce que votre peuple y mange. Ah bah, quand on mange ? quand on mange peu. Ah ben ça c'est bien, ça c'est encore plus écologique que manger bio. Oui. Ah si tout le monde était comme vous. Ah ben pour une fois je suis d'accord avec Ségolène, hein. Le Malawi est un exemple. Vous mangez peu, vous utilisez peu d'eau, peu de voitures. Et ne me dites pas que vous éteignez la lumière dans vos villas le soir. Si. Oh, il est formidable. Le soir on souffle la bougie. Oh là, il est formidable, hein, formidable. Ah non mais c'est moi qui le trouve plus formidable que vous. Alors ça non mais c'est formidable, c'est moi qui le trouve formidable et attends. Pardon, pardon. Non mais arrête, arrêtez de nous interrompre à chaque fois. Hein. Votre arrogance malawite, là ça va. Hein. Excusez-moi, allons manger. Non mais oui, je vous trouve arrogant, monsieur. Ah oui, sauf que moi je vous trouve plus arrogant qu'elle ne vous trouve arrogant. Non, elle-même. Moi. Non, c'est moi qui vous non, trouve. Non mais moi. C'est plus moi. C'est moi. Non, c'est moi. Ah, merci d'être du cré formidable Ségolène Royal. Mais non, on sait que vous écriviez pour Ségolène parce que c'est vraiment. Diane Ducré, je rappelle votre ouvrage « L'homme idéal existe, il est québécois », c'est paru chez Albin Michel. Et l'humoriste idéal existe, il s'appelle Alex Vizerec, vous pouvez aller le voir ce soir au studio des Champs-Élysées. Merci beaucoup Diane Ducré pour d'avoir passé cette heure avec nous. Je laisse le mot de la fin, bien sûr, à la COP21. Est-ce que diront les jeunes ce soir, les jeunes négociateurs? C'était génial, quoi. Tu te rends compte qu'il y a 216 pays représentés? T'as vraiment l'impression de faire partie de la planète quand tu vois ça.